voilà, bonsoir, rebonsoir. Donc la suite et fin de la nuit 100% Gérard. Donc Sandy, je te préviens d'une chose. J'essaie de la joindre. Hein. Tu rallumes ton portable et c'est tout, parce que sinon je ne rentre pas. En de bon entendeur, salut. Donc tu choisis, on essaye de te joindre. Et si on n'arrive pas à t'avoir, fais-moi confiance que je réglerai ça tout à l'heure. Donc il y a de la tension dans l'air. Donc pour ça, Polo. Bonsoir Gérard. Ben, malheureusement on peut pas avoir Sandy donc. Excuse-moi Gérard, mais toi tu peux quand même amorcer un bout de réponse quand même. Tu vois, non, mais de toute manière on peut pas la joindre donc. Non, mais comme tu l'as dit dans ton débat, les relations amoureuses c'est à deux, donc toi tu fais une partie des deux, même si t'es la moins forte. Tu as peut-être ton avis. Donc toi tu voulais savoir comment. J'aimerais te poser la question, j'aimerais savoir comment s'est passée ta première rencontre avec Sandy. C'était un coup de foudre ou... Disons ça s'est passé par le biais du courrier. Oui. Donc c'est elle qui a écrit la première et donc moi j'y ai répondu donc. C'était une auditrice, excuse-moi. T'a écrit, elle t'écoutait. Ouais, voilà. D'accord. Où habitait-elle? Si c'est pas trop indiscret, où habitait-elle? Non, je peux pas te dire. Elle est venue, on peut dire quand même qu'elle est venue de province sur Paris pour toi. Pour elle n'était pas sur Paris. Voilà. On peut le dire, ça c'est vague, Gégé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a aimé en toi? Pas spécialement parce que je faisais de la radio, mais bon. Ouais. Elle avait déjà la star qui sommeillait. Non, mais je veux dire, ça a été physique, ça a été mental. Comment tu lui as fait son instruction? Non, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est vu une fois, et puis bon, après, on s'est revu plusieurs fois. Ouais, après, vous êtes perdu de vue. Non, mais on s'est revu, et puis bon, après, c'est moi qui l'ai rappelé, et puis bon, j'ai demandé si elle voulait qu'on sorte ensemble et tout. On est resté près de... C'est quand on est à Neuilly. Oui. Quand on est revenu de la loco avec Max, je l'ai appelé, et c'est de là que je lui ai demandé si elle était d'accord qu'on sorte ensemble, et puis tout, et donc... D'accord. Et elle m'a dit oui, voilà. Gégé, la toute première fois que tu l'as vu, mais vraiment le tout premier instant, t'as vraiment pensé quoi? C'était où d'abord? Qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que t'as pensé que tes pupilles étaient trop grandes ou... Non, ce qu'il y a, c'est que je pensais pas du tout. C'était où déjà, excuse-moi, c'était où? La toute première rencontre, c'était à la radio ou c'était... Non, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, c'était... Ça a marché. Non, même, j'ai dit que je pouvais, je donnerais pas. Ah, tu peux pas, ouais, bon, c'était... Non, je donnerais pas la ville où que c'était, c'est tout. Non, mais c'était chez elle, t'y allais. C'est elle qui est venue. Ma merde, dis des trucs, sinon... Vas-y, Gérard, enchaîne. Par exemple, la première fois que tu l'as embrassé, tu dois te souvenir, quand même, hein. Ça laisse une trace, hein. Ce qu'il y a... qui c'est qui vient de dire ça? Ça, c'est plus une grosse trace. Non, c'est moi, mais... C'était pour étayer cette conversation. Tu l'as embrassé? Tu as pris la bouche dans quelles circonstances? Là, je vais te dire une chose, que tu pousses un peu tes questions. Où est-ce que la première fois, tu l'as embrassé, quoi? Que vous avez vraiment... vous êtes vraiment unis pour la première fois? Non, mais ça, c'est quand on s'est vus la deuxième fois, et c'est tout. C'était dans quel lieu? Non, mais ça, c'est quand ça... C'était dans une boucherie chez elle. C'est ça qu'on veut savoir. Voilà, chez toi. Chez moi, c'est tout. Voilà, on dit pas où c'est. C'était chez toi. Tu l'avais invité chez toi. Voilà. Pour dîner, on a dîné ensemble et tout. La bougie. Manu, tes réflexions, je m'en dispense, donc voilà. D'accord. D'accord, Manu. Il n'y a pas de problème, voilà. Et donc, si c'est pas trop indiscret, si tu peux dire, parce que tu as quand même des fans parmi les auditeurs, la relation sexuelle est venue tout de suite après, ou elle t'a fait attendre, mijoter? Non, mais ça, on y était petit à petit, tu vois. Faut pas mélanger tout, hein. Ah, les serviettes et les tampax. Non, faut pas mélanger les torsions et les serviettes et tentacules et antiltasseurs, d'accord? Très bien. Ouais, mais sinon, j'ai quelques questions à te poser encore. Non, mais pas trop, parce qu'il y a quand même du monde. Très bien. Moi, je voulais savoir si c'est installé directement chez toi ou elle a attendu un petit peu. Enfin, est-ce que tu l'as fait, c'est de ton propre chef qu'elle est venue sur Paris? Non, ça c'est... On en a discuté, et bon, je lui ai laissé le temps de savoir si elle voulait venir habiter chez moi. Et... Tu me diras, de la Camargue à Paris, ça change quand même. Hein. Bon, alors, Polo, si c'est pour me poser des questions cons comme ça, tu vois, je te dis au revoir. Au revoir. Je sais pas, moi. Je supposais qu'elle vivait en Camargue parmi des chevaux sauvages. Au revoir, Polo. Merci pour ça. Géraldine, 25 ans de Lille, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonne année, Gérard, surtout. De même. Merci. Moi, je voulais savoir, je m'interrogeais en fait sur ce que tu attends de l'avenir avec Sandy, en fait. Quels sont vos projets, les enfants, une maison, je sais pas, du travail, enfin, tu vois, quoi. Quels sont vraiment, sérieusement, vos projets pour l'avenir? Alors, les projets pour l'avenir, donc, du travail à l'heure actuelle, on en a tous les deux. Donc, comme tu dois le savoir, tu sais très bien sur où je travaille à l'heure actuelle. Non. Donc, ouais, si tu dois le savoir, on en a assez discuté à l'antenne de là où je travaillais. Ah non, je ne sais pas. Bah si, mais t'as qu'à bien écouter les libres antennes. Oui, les libres antennes le soir entre 21h et minuit, on en discute assez. Donc, les projets avec Sandy. Donc, en fin de compte... Ah, si oui, Paris 10, ouais, ok. Ah, voilà. Donc, tu vois que tu sais très bien où que c'est. Ça ne m'était pas revenu. Je croyais qu'en fait, c'était temporaire, étant donné que, bon, c'est 3 heures par jour, c'est ça? Ah non, plus maintenant. C'est combien maintenant? Ah ben, je donne pas mes horaires, c'est tout. Non, mais tu fais un temps plein, un trois quarts... Ah ben non, je fais presque un temps complet maintenant. Donc, les projets avec Sandy, bon, bien sûr, c'est d'avoir des enfants. Donc, d'avoir un appartement. Vous en avez tout, là, au niveau de l'appart Ah ben ça, pour l'instant, on essaye de chercher, mais pour l'instant, bon, on n'arrive pas à trouver ce qui est dans nos moyens. On cherche un enfant, c'est ça? On cherche un appartement. Ah, pardon. Oui. Excuse-moi, j'avais pas suivi. Moi non plus. On cherche un appartement pour selon vos revenus. Mais tu peux lancer un appel là, je sais pas c'est quoi vos revenus. Non, mais ça. Où tu voudrais, mais attends, profite de l'antenne. Non, mais ça, c'est une libre antenne, mais ça, je pense que j'avais dit que je ne dirais pas exactement tout dessus. Donc sur mes projets, donc c'est avoir un appartement et des enfants après. Donc, combien d'enfants, combien d'enfants, ça on ne sait pas encore. On verra le premier et puis après. On verra par la suite. Si le premier est viable. Comment? Tu verras si le premier est viable. Ça on verra. De toute manière, je pense que comme j'en ai déjà eu, j'en ai déjà eu une. Ça va être un sujet sûrement que tout le monde veut savoir, mais ça, on en a déjà parlé sur la première... On va demander. On en a discuté lors de la table ronde, donc... On n'a pas demandé d'en reparler. Non, mais on n'en rediscutera pas, c'est tout. Bah, d'accord, bah oui. On est d'accord, hein, Gégé, il n'y a aucun problème. On parlait de donc, voilà. Et il paraît que tu as un pilote aussi, hein, pour viser. Non, mais alors toi, Fildar, tu fermes ta gueule et c'est tout pour de bon maintenant. Tu vas prendre des auditeurs et... Non. Ils sont en attente. Par contre, Gégé, moi j'ai peut-être un plan pour toi, tu recherches des apparts, je sais qu'il y a Tati Or, tout ça, et je crois qu'il y a Tati Logement bientôt. Tati Logement, ouais. Il n'y a pas Tati Connard aussi, non? Je sais pas, tu pourrais t'inscrire. Non, mais tu ferais mieux t'inscrire à Tati Con. Non, mais c'était pas une vanne, voilà. Hein, c'est vrai. Donc, c'est bon, Géraldine, pour toi? Bah oui, enfin bon, tu m'en as pas dit énormément. Moi, je pensais que tu allais être un peu plus exaltant. Disons, c'est que, comme il y en a une qui fait la gueule. Qui ça? Bah Sandy a fait la gueule parce qu'elle est... Elle sait rien, elle est peut-être en train de se faire prendre. Géraldine, au revoir. Non, se faire prendre en train de jouer au... Non, mais c'est bon. Oui, Gérard. Oui, Rigon. Oui, pour continuer dans les questions sur ton intimité, il y a Evil Ghost. Non, mais attends, là c'est plus le truc de minuit. Hein. Ah d'accord. Rigaud, tu débarques. C'est la fin de la libre antenne. C'est un peu pareil, c'est une question d'un auditeur qui est sur internet et qui voulait savoir la vraie histoire de ton chat, qui s'appelait Calin apparemment. Ah non mais ça, je l'avais dit déjà quand comment que ça avait appelé dans la semaine. J'avais dit que ça, je ne dirais rien sur ça parce que il y a déjà un auditeur qui avait posé cette question lors d'une libre antenne et qui voulait savoir exactement ce qui se passait avec le chat qu'on avait avec à l'heure actuelle, plus si Sandy avait des poils. Donc ça, Miette, j'y répondrai pas du tout. Il y en a d'autres, non? Si je pouvais avoir un petit nombre d'auditeurs quand même pour voir à combien qu'on est. Alors, on est à 9832. Ça avance pas, hein. Ça avance pas, hein, je te jure. Et je salue tous les gens qui aimeraient que je les cite. Salut. Ah bah voilà. Donc, qui c'est là? Euseb. Euseb. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir l'équipe, c'est Euseb, j'appelle de Nantes 116.6. Bonsoir tout le monde. Donc Gégé, moi je voulais profiter parce que ce soir apparemment c'est un petit peu la soirée des confidences. t'as décidé de te livrer à nous. De vous livrer à vous Un petit peu. Ça dépend sur ce que vous allez dire. Bon. Parce que je ne répondrai pas sur toutes les questions. Hein. Ouais, mais là, si tu veux, ça est un petit peu dans le prolongement du débat sur les relations amoureuses. Ah ouais, mais ça, c'était la question. Non, mais attends, tu vas voir. C'était pour savoir, en fait, je voulais que tu nous racontes, en fait, tes premiers émois, c'est-à-dire tes premières relations sexuelles avec des jeunes filles ou avec autre chose, mais que tu nous racontes un petit peu quand est-ce que tu as découvert l'amour physique. Comment c'était, où est-ce que c'était, avec qui, à quel âge. Là je vais te dire une chose. Ta première expérience. Je me permets de dire qu'il y a quand même plein de jeunes pour qui. Non. Et à qui ça les décoincera. Non. Comment ça s'est passé. Non, c'est pas la peine. Là, je vais te dire une chose, que je ne vais pas reprendre ce qui s'est passé lors de la table ronde, donc c'est terminé. Mais ce qui s'est passé, ce qu'il veut savoir, ça s'est passé lors de la table ronde, on en a discuté, ça s'est passé quand j'étais à la placé en famille. Donc c'est celui-là, c'est pas la peine. Je ne réponds pas. Mais si tu veux répondre à rien, on arrête, hein, on balance des skates, quoi, tu vois. Ah ben tu fais ce que tu veux dans ce cas-là, moi je m'en vais. Il veut premier rapport sexuel quand, où, avec qui. Alors ça, non. Non mais il dit pas le nom. Non. Et savoir si t'as aimé, comment ça s'est passé. Ce que vous avez fait, comment tu t'es pris. Est-ce que tu as une autre question, Zeb? Est-ce que tu peux nous raconter ta première cuite, la marque de bière ou ça? Bon alors, au revoir. Tu vas court, hein. Au revoir. C'est ce que je peux, je viens avec des bonnes questions, je me fais taise. Au revoir. Désolé, Zeb. C'est obligé. Ah ouais. Bon, on a un autre, Cyril. Bonsoir Cyril. Ah, ça lui convient pas non plus, je crois. Mais si ne prends pas bon. Du tout, hein, GG, si ça te convient pas, c'est pas si ça lui convient. Bonsoir Gérard. Bonsoir, 22 ans de Strasbourg. Ouais, ça va bien. Oui. Tranquille. Ben, alors voilà, moi je voudrais te poser une petite question. Excuse-moi, je suis en train de pisser en même temps. Est-ce que t'aimes bien les animaux de compagnie? Ah oui. Ouais. Ah, je l'ai déjà dit. Ouais, et lesquels précisément? Les chats. Les chats. Et tu veux vraiment pas nous en dire un peu plus sur câlin? Parce que moi, je suis un fidèle auditeur. Tiens, ça passionne beaucoup de gens. Et, ouais, c'est clair. C'est vrai. On en a souvent entendu parler, mais... Maintenant, c'est plus câlin que j'ai à l'heure actuelle. Oui, mais nous, celui qui nous intéresse, c'est câlin quand même. Mais non, mais c'est devenu, quoi. Mais non, mais ça, câlin, je peux pas te dire. Maintenant, je suis plus... Bouffé, non, mais je suis plus avec... Je suis plus avec Calin. Calin, alors, Gérard, parce que tout le monde croit qu'il est mort, Calin. Ah oui, je sais pas, moi, c'est juste que vous êtes plus ensemble, vous faites... Non, mais je suis plus avec Chalin, maintenant, je suis avec un chat... Une grosse chatte, plutôt. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Moumoun. Moumoun. Donc, voilà. Et c'est tout. Bah oui. Calin, tu veux pas nous en dire plus? Bah, Calin, pour l'instant, j'ai plus l'occasion de le voir, donc voilà. Qu'est-ce qu'il devient? Il est devenu routier? Je sais pas. Ah bah, je sais pas, hein. Je l'ai jamais eu dans mon camion, Calin. Non, mais comment ça s'est passé au départ? Vous avez fait chambre à part et après l'éloignement? Comment ça s'est passé? Mais non, mais c'est lui qui voulait pas rester avec moi. C'est lui qui partait. Ah, c'est lui qui s'est barré. Bah, quel salaud, ce Calin. Non, mais ça, c'est tous les chats, hein. Eh ouais, c'est indépendant, les chats. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est chaud. Voilà. Bah, super. T'as une autre question, non? Écoute, pas spécialement. Je suis un peu en rupture, là. Mm-hmm. Bon, on va demander à... Maximus. Oui, bonsoir, c'est Maximus. Bonsoir. Alors moi, Gérard, j'aimerais m'évader un petit peu. Pardon, c'est moi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonne année, déjà. Mm-hmm. J'espère que tu passes un bon débat. Et j'aimerais te demander, en fait, et m'évader un petit peu avec toi, quels sont tes goûts en matière de cinéma? Goût cinéma. Ça, c'est une bonne question. Oui, est-ce que tu as des films cultes? Qu'est-ce que tu préfères? Les comédies? Les films d'horreur? Non, films d'horreur, non, parce que... c'est t'es rodé, hein. Non, même des films d'horreur, ça me plaît pas. Ouais. Film que j'aime bien, que j'aimerais bien revoir, qui passe plus. Je l'ai vu il y a pas longtemps là. C'est je vais revoir très prochainement. C'est Les Valseuses avec Depardieu, tout ça. Et Devers. Patrick Devers et Miu Miu. Mmh. Ça parle de quoi ça? Parce que j'ai pas vu moi. Ouais, mais c'est un peu vulgaire, non? Pas. C'est un peu graveleux. C'est un film de science-fiction, non? Non, non. C'est pas du tout, franchement. C'est un genre. C'est une comédie, mais un peu. Pas drôle. Tu pourrais raconter un petit peu l'histoire? C'est deux mecs, si tu veux, qui piquent une bagnole d'un propriétaire, une voiture. C'est pas une fouille. Ils piquent une bagnole et puis ils sont récupérés par les flics, tout ça. Ça se passe mal et il y a des aventures. Okay. Non, mais ils récupèrent une nana qui ressort de prison, tout ça. Et que vient faire Miu Miu là-dedans? C'est elle qui joue le rôle de la salope un petit peu, non? Ouais, voilà. Mmh. Bah, tu l'as déjà vu? Ouais, apparemment, qui fait la bite, ouais, à l'époque. Ouais, elle a jamais eu de rapport sexuel, et puis... Elle découvre le plaisir à l'âge. Ouais, voilà. Je crois que c'est avec c'est Patrick Devers ou Gérard Depardieu qui se prend une balle. C'est un des deux. Mmh. Un des deux, donc, qui prend une balle, et puis Je crois qu'il y a même une scène où ils sont dans une 504, je pense, et on la voit sur Patrick Devers, alors que Depardieu conduit, je sais pas si tu te souviens. Mmh. Une scène où elle est prise en levrette. Ouais, mais c'est vers la fin, ça. Hein. Ouais, c'est plus vers la fin, ouais. Et sinon, en matière de science-fiction, est-ce que par exemple... Science-fiction... À part ce film-là, t'as bien d'autres films que t'as bien aimé quand même. Non, mais ce qu'il y a, ce que je voudrais bien qu'il repasse sur le câble. Non, pas sur le câble, parce que j'ai pas l'occasion de l'avoir. Mmh. Ce que je voudrais bien voir, c'est Taxi 1, là. Aïe. Ils sont en train de faire le 2. Le 2, il est sorti. Ouais. Et là, ce soir, justement, et c'est bête que j'ai pas pu le voir, il y avait un avant-première sur la vérité si je mens 2. Ouais, exactement, ouais. Et apparemment, il a pas l'air d'être mal, il a l'air d'être aussi bien que le premier, là, parce que j'ai pu voir des extraits. Hein. Tu vas le voir au cinéma? Dès qu'il sortira, oui. Ah. Voilà. Ok, très bien. Et sinon, je voulais, pour revenir à la science-fiction, est-ce que tu penses que des films comme Star Wars, qui sont tributaires de beaucoup d'images de synthèse, doivent continuer à exister, ou tu penses qu'on doit revenir plus vers un cinéma d'auteur, c'est-à-dire, en parlant de ça, la nouvelle vague, Truffaut, tout ça, Godard? Non, mais ce qu'il y a, c'est que Star Wars, comme tu dis, là, ça repasse en ce moment sur la 6. Ouais, sur la 6, tous les soirs. Tout à fait, après Lewis et Clark. 18h50. J'ai entendu sur Rire et Chanson. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Écoute-toi bien de ma gueule. Gobi, parlant de science-fiction. Attends, 5 minutes. Gobi, c'est pas la peine. Gobi, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas la peine, Gobi, je ne répondrai pas sur ton sujet. Hein. C'est quoi ton sujet? Star Wars, là. C'est quoi ton sujet? Je veux parler de mes dents. Non, donc je te dis au revoir. Non, mais c'est pas la peine. Je sais très bien que c'est en fait le copain de ton ex à Lyon qui te les a cassés, quoi. Alors au revoir. Oh là là. Il mérite, lui, hein. Je lui remets une dose. Vas-y, c'est cool. À fond dans le cinéma, là. Donc voilà, Maximus. Oui, donc tu disais, ça passe à quelle heure? 18h50 sur M6, donc. Oui. Et il y a R2-D2, tout ça, Chewbacca? Je sais pas. Hein. Moi, je regarde pas cette série-là. Hein. Ah, d'accord. C'est après le flic de Changai, alors. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais que c'est en semaine ou sinon, c'est le dimanche. Hein. D'accord. Et sinon, moi qui suis aussi un fan du Big Deal... Attends, juste avant que tu parles de ça, on parlait de science-fiction et t'as quand même été à New York voir Godzilla. Godzilla. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais ça, c'est un bon film, quand même. On n'en a même pas parlé. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ce film-là, c'est vrai que c'est un super film qui mérite d'être vu en français. Parce que nous, on l'a vu... Tu l'as vu en anglais. Nous, version anglaise. Et c'est vrai que... T'as galéré pour les dialogues. Non, mais parce que c'était... Il y avait des stars dans la salle? Il y avait, bien sûr, Jean-René, ok. Attends, fini, c'était quoi? Parce que c'était en VO, donc t'avais marqué en français ce qu'il disait. Ah oui, d'accord. Et t'avais le temps de lire? Non, mais ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite parce que dès que t'as la première image, tu passes tout de suite à la seconde. Ouais, ça c'est les lettres. Ouais, mais ça, donc, tu me disais ouais, au niveau star dans la salle. Sinon, tu mets, juste pour revenir sur le sous-titrage, tout ça, oui. Tu mets une règle sous l'écran, c'est pour suivre. Non, mais ça, excuse-moi, non, mais... T'aurais dû t'arrêter, mon pote. Non, mais c'est bon, Manu, c'est pas la peine de... Peut-être aller trop loin dans le domaine de l'humour. Non, mais ce qu'il y a... Grosse règle, là. Je pensais de voir Casino en VO, c'est bien. Les stars, pour en finir sur ton sujet, parce qu'après on va à propos des stars, il y a quelqu'un sur RC tout à l'heure qui me disait que justement il y avait Godzilla dans la salle le soir de la projection. Non, c'est Jean Reno. Ah, il l'a vu Godzilla pourtant. Non. Il est sûr de l'avoir vu. C'est un talon. En même temps, Maximus. Oui. On va accueillir Stéphanie, 21 ans de Marseille en même temps. Ah oui, très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir Maximus aussi. Salut Stéphanie. Bonsoir l'équipe. Il y a 10 juillet qui te passe le bonjour. Tu l'es passé. Non mais on s'en fout là maintenant avec ça. Oh, Rigo. Bonjour, terminé. C'est bon à l'internet là. Bonne année. Ouais c'est bon, alors, Rigo. Oh. Bah, moi en fait je m'interrogeais sur ton avenir au niveau de ta voiture, parce que je sais que tu as acquis récemment une automobile. Mm-hmm. Et je voulais savoir comment ça allait évoluer, si tu allais en racheter une neuve, vu que maintenant j'ai appris que tu travaillais à plein temps. Si tu voulais en acheter une neuve, plutôt voiture de vie, plutôt espace, toi, pour si t'as en plus t'envisages d'avoir des enfants. Est-ce que tu penses pour mettre ta femme, enfin tu vois quoi. Est-ce que tu penses la customiser, genre mettre des jantes Momo, un siège baquet? Non mais elle reste comme elle est, c'est tout. Hein. C'est pas pour le tuning. Non. Donc tu penses vouloir changer de voiture ou pas? Non. Non, tu l'as. Elle est bien celle que t'as quand même. Non, mais je vais garder celle-là. Surtout maintenant que tu l'as décorée, tu peux le dire aux gens, celle que tu l'as décorée. Parce que nous, un soir, on l'a raccompagné à sa voiture. Décorée. Et on a quand même vu des trucs. Raconte ce que t'as mis, GG. Non, c'est pas la peine de dire ce qu'il y a dedans. Non, mais tu peux faire des trucs. Tu peux faire que les voitures sont pas comme ça. Maximus. Il y a des petits coussins derrière, tout ça. Non. C'est mignon. Non, il y a un petit chien, tu peux raconter. Les gens sont curieux. Non, il y a plein de petits objets que j'ai collés devant, et donc voilà. Ah, c'est beau. Des pins, ça. C'est des big deals. Non. Non, j'en ai pas encore trouvé un pour le mettre dans la voiture, justement. Ah, mm-hmm, non, un gros, tu le mettrais au rétroviseur. Non, je sais pas où je pourrais le mettre. Gérard, tu pourrais profiter de Fun pour passer une petite annonce, ce que tu veux pour ta voiture, pour la décorer. Il paraît que tu avais besoin d'impôts. Non, ça y est, c'est fini. C'est résolu. Tu voulais rajouter quelque chose sur le Big Build, toi, vas-y. Ouais, bah, sur le Big Build, j'aimerais savoir si t'es totalement satisfait de l'émission ou est-ce que tu pourrais y apporter quelques changements. Non, mais je trouve que c'est bien en ce moment. Ouais. Bon, à part qu'il a modifié deux, trois trucs qui est dommage. Moi, je trouve personnellement que les gaffettes prennent un peu trop de kilos. Hein. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que t'en penses. Non, un peu grosse. De l'autre côté, c'est la période de Noël. Là, je crois que tu dois pas le regarder assez souvent. Hein. Ah si, je le regarde tous les jours, hein, avec ma mère. Ouais, ben, je crois pas. Hein. Ah si. Donc voilà, Maximis. Et tu voudrais pas aller au Big Bill pour gagner une voiture neuve? Non. À le rideau, GG. Non, je vais te dire une chose, faut vraiment avoir de la chance. Hein. Bah, tu pourrais essayer. Ouais, faut être cocu, quoi, tu peux y aller. Ou pas? Non, c'est fini. T'es pas plus con qu'un autre. Hein. Avec la chance qu'il a, il met une R12 derrière le rideau. C'est ça, mais Maximus. Ouais. Donc pour terminer avec toi, donc tu veux pas. Ouais, je voudrais aussi parler un petit peu des films de Max Pécasse, si c'est possible. Ah non, on va s'arrêter là. Hein. Et les films de Marc Dorcel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Non, est-ce que ouais, est-ce que t'es un petit peu film de cul avec Sandy? Est-ce que vous mettez ça pour vous stimuler? Non, pas du tout. Voilà. Du tout? Non. Ah, il y a des films érotiques sur M6. Hein. Non, je t'ai dit, je viens de te dire non plus. Non plus. La cuisine de Maïté. Donc voilà. Devant ton micro. C'est chaud ça de se masturber sur le loto. T'as bien raison. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, comme Max nous a quittés, donc parce qu'il était fatigué. Ah non, je suis là. Hein. Donc voilà. Donc, prochaine nuit. 2%. La nuit 100% Gérard avec sûrement les conseils avec Gérard et Sandy, donc je vais revoir ça avec Max par la suite. Donc ça sera à venir très bientôt, et puis pour ce qui me concerne, les débats seront à venir bientôt. Donc le prochain débat, pour l'instant on ne sait pas encore ce que ça sera. C'est pas la délinquance? Si, c'est la délinquance. Non, en fin de compte non, parce que je vais le changer, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à dire? Ben rien de spécial. On a terminé à combien, Rigo, quand même, sur l'internet? On a terminé à 9942. Oh là là, il y a beaucoup. Ouais, mais c'est bête qu'on n'aille pas à notre auditeur. Mais comme il est 3h, on avait dit minuit 3h. On aurait dû plus parler de cul, à mon ami. 9942. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'aille pas pu aller plus loin. Donc ce que je vais... Donc on n'a pas pu aller plus loin, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. T'as pas assez du bocher. Donc sur ce, ben dimanche soir. Bah oui, on va faire la Java. Dimanche soir, max à minuit, donc pour la nuit, pour Balam nocturne. Et puis ben là, c'est qui? Ah, je sais pas, GG, c'est qui? C'est Jean, non? C'est Jean. Jean pour la nuit sans pub. La demi-nuit sans pub. Donc Jean pour la demi pour la nuit la fin de la nuit sans pub et puis bah moi je vous retrouve très bientôt. Voilà, bonne nuit à tous et salut, bon GG. Week-end. Bonne ciao. Année. Salut, hein. Bonne année à toi. Éclate-toi ciao. Bien. Ciao.